La Côte d'Ivoire n'est pas encore libre. Il y a encore la base du 41e Bima, 43e Bima qui est à Abidjan. Il y a encore des soldats de la junte française qui sont sur le territoire ivoirien. Et puisque le combat panafricaniste vise la libération totale de tous les pays africains, la Côte d'Ivoire y compris, il faut que les Ivoiriens réalisent cette libération. Nous nous tenons aux côtés du peuple ivoirien. Nous leur disons courage, nous savons que vous allez réussir ce combat. Nous allons réussir ce combat ensemble. Donc la libération d'Edith Pucheri n'est que la preuve que notre combat a du sens et que nous allons le réussir ensemble. Nous appelons également les autorités camerounaises à accélérer davantage les procédures d'enquête dans le cadre de l'assassinat lâche et brutal de votre confrère Martinez Ogo. Afrique Média, le monde, c'est nous.